Le seuil de la porte franchi, je vais m'asseoir. Première question dans mon esprit, que vais-je boire? Mon humeur se forme au futur, plaisir certain. Une clope, un café, des ratures et un bouquin. J'entends ici quelques personnes qui parlent fort. Des conversations qui sonnent comme des trésors. À gauche un groupe venu d'ailleurs, trois gars à droite. Au milieu des cheveux couleur presque écarlate. Il y a de nombreux regards, certains sourient. Certains ont l'air plutôt hagards, ils sont partis. Au-dessus un jeu de hasard, quelle connerie. Une main, un sourire, une boisson, je m'isole. Et voici un merci, le même déroulement. Les pages tournent, les clopes fument, le temps s'envole. Et par moments, distraitement, j'écoute les gens. Il y a la dame qui installe son popotin, vêtue d'une jolie robe de bal, portable en main. Commande une crêpe sans fromage avec un œuf dessus. Pendant 90 pages, elle ne s'est tue. Il y a le monsieur qui adore les jeux pas chers. Quand il gagne, il joue encore, mais quand il perd, il maudit la terre entière. Mais pourquoi moi? Mais il en prend un autre derrière, encore une fois. Le mec bourré qui croit connaître ce que je lis, qui fait de l'œil à la dame crêpe sans calories, et qui n'arrête pas de raconter des conneries. Une main, un sourire, une boisson, je m'isole. Et voici un merci, le même déroulement. Les pages tournent, les clopes fument, le temps s'envole. Et par moments, distraitement, j'écoute les gens. Il y a les vieux amis d'enfance qui se revoient. Par un petit caf, ça commence, et c'est pour moi. Et de tournée en tournée, de bière en bière, ils ont ri, ils ont chanté, un rien vulgaire. Il y a le mec à la bourre qui est désolé, mais qui grâce à un trait d'humour s'en est tiré. Il prend chacun de ses amis dedans ses bras. Reste une seconde et demie et puis s'en va. Doucement le soleil se couche et c'est la nuit. De toute façon de mon bouquin, je n'ai rien compris. Plus de clopes, ma tasse est vide, quelle connerie. Une main, un sourire, une boisson, je m'isole. Et voici un merci, le même déroulement. Les pages tournent, les clopes fument, le temps s'envole. Et par moments, distraitement, j'écoute les gens.